J'suis parti loin de mes proches, loin de mes potes. J'ai traversé le pays, ma 306 touche le sol. Mes affaires sont réunies. On dit au revoir à la MIFA, les larmes au coin de l'œil. On jette un dernier regard à la baraque pour en faire le deuil. J'ai pris la route avec mon acolyte dans la nuit. J'étais pas conscient que je ne les reverrai qu'en 2010. Le trajet est paisible, mais on se pose plein de questions. On se dit qu'on fait n'importe quoi en quittant notre hexagone. Aucune idée de là où nos pieds vont atterrir, mis à part le fait que c'est le pays de la bière et de la frite. Destination nouvelle à 9, université pour vivre à deux dans un appartement de 30 mètres carrés. À peine arrivé, je dépose des CV dans tous les coins. Ma seule réponse positive fut le snack d'un Arménien. Petit à petit, mon cercle de connaissances s'agrandit. Gagne Lyon, Laurent, je me fais des scraps du côté d'Otini. Un choix peut changer toute une vie, dans le bon comme le mauvais. Heureusement pour moi, celui-ci s'est passé avec succès. À travers la street et l'université, mon départ a eu raison de ma volonté de rester. La mélancolie frissonne, le grand départ approche. Les deux flots résonnent, collent et accrochent. Ok, c'est le grand départ. Ok, my youth, Alish. Écoute. Dans ma tête c'est tam-tam, le départ dans la vie active. Faut que je m'y fasse ou je pars à la dérive. C'est si facile de se faire de l'argent, mais honnêtement je préfère ça que de courir monsieur l'agent. Le départ d'Ali, je ressemble à ma vie, un gâchis. Je préfère le cercueil que de vivre ce que je vis. En direct d'Albi après un an passé à Paris. Ce départ a fait de moi un homme grandi, mais j'ai rien trouvé ou rien apporté. Si juste une chose, de la rage à consumer. Ma haine s'épargne, le rap me la fait sortir. Le départ pour mieux créer l'avenir. Mayu dans feat sur la 8ème piste. Petit bonhomme des îles rentre en piste. Le départ de ton groupe hors de ma ville. Ne clash jamais, va jouer au beat. Le choix peut changer toute une vie, dans le bon comme le mauvais. Heureusement pour moi, celui-ci s'est passé avec succès. À travers la street et l'université, mon départ a eu raison de ma volonté de rester. La mélancolie frissonne, le grand départ approche. Les deux flots résonnent, collent et accrochent. C'est le grand départ.